Chapitre quatrième, encore de ventre ouvert. Le juge d'instruction était affolé. Paul Bar, rentré à son hôtel, apprit que le magistrat l'avait fait demander deux fois en un quart d'heure. Sans se presser, Paul Bar quitta son costume de voyage, et la soirée étant fraîche, il revêtit un par-dessus, s'entoura le cou d'une large écharpe, veilla sa toilette avec un soin de gentleman, comme il le faisait toujours, et se dirigea vers le palais. Le magistrat l'accueillit, cette fois, avec de grandes démonstrations. « Cher monsieur Bar, vous savez la nouvelle ? Cette fois, nous comptons absolument sur vous. Vous allez mettre la main sur cet insaisissable éventreur, n'est-ce pas ? Il n'y a que vous qui... Oh, monsieur le juge, je ne suis pas infaillible. Je peux me tromper tout comme un autre, » dit-il. Et malgré la gravité de la situation et le tragique de l'heure, il ne pouvait réprimer un sourire. Il se rappelait sa méprise quant à ce pauvre monsieur Lino. « Le pays est affolé, » reprit le juge, « et cela est bien naturel, n'est-ce pas ? Dans cette petite ville où tous se connaissent, on se demande quel est l'assassin de tant de crimes. Peut-être le voisin, peut-être habite-t-il votre maison. Les gens n'osent plus sortir, les rues sont vides le soir. » Mais précisément, ce n'est pas le soir que l'éventreur fait ses mauvais coups. « C'est vrai, mais les gens ont peur de l'ombre, et ils ont peur le jour aussi. Allons, vous allez nous découvrir notre bonhomme, n'est-ce pas, mon cher monsieur Paul Bar ? « Vous le promettez. » Il voulait absolument que l'inspecteur sût qu'elle était et où était le meurtrier sanglant. Il lui paraissait tout naturel que le fameux Paul Bar s'écria « Je tiens le coupable !» et l'amena à la justice, pieds et poings liés. « Eh bien, monsieur le juge, » dit Paul Bar, « je vais chercher. Au revoir. »« C'est cela, merci. Cherchez et trouvez, n'est-ce pas ? » ?»« Je suis sorti ce soir, exprès pour cela. » Et Paul Bar prit l'habitude de ses promenades dans le pays. Son plan était simple, rencontrer cet assassin singulier qui devait lui aussi parcourir la ville, qui devait être un habitant de cette ville. Et c'était pour cela qu'il n'y était pas remarqué. Et puis soudain, ce paisible passant se muait en meurtrier. Il savait tout de même profiter de la solitude et choisir le moment où l'on ne pouvait pas le voir enfoncer le couteau. Un après-midi, à l'heure où commence à s'enfuir la lumière du jour, Paul Bar était au bout d'une rue tranquille qui s'ouvrait sur une avenue ombragée. La ruelle donnait sur un terrain vague. Il aperçut une ombre qui semblait se dissimuler et passait, rasant les maisons. Il pressa le pas tout en prenant la précaution de ne pas être vu. Il rattrapa la forme qui se faufilait. Elle était maintenant dans l'ombre du terrain vague. Alors, il vit que c'était une femme. Pourquoi pas ? L'éventreur ne pouvait-il pas être une éventreuse ? Il la vit se pencher sur le sol. Et dans sa main, il vit briller un couteau. « Ça y est, » pensa-t-il, « je tiens le coupable. » La coupable, plutôt. Et il s'approcha, rejoignit la femme. « Elle va tenter de me frapper, » pensa-t-il, et il était prêt à la défensive. Il se montra avec quelque affectation. Il feignit de défaire et de remettre son écharpe qu'il déroula et enroula de nouveau. Mais la femme ne parut prêter aucune attention à ce détail. Elle le regarda, les yeux égarés. Elle lui montra le sol herbeux et dit « Il est là. » « Qui ? Le petit. » « Quel petit ? Le mien. » Plus près, l'inspecteur remarqua que la femme avait, de son couteau, coupé deux branchettes d'un arbrisseau et en avait fait une croix qu'elle plantait dans le sol, comme sur une tombe. Et elle prononçait des mots sans suite « Dors, mon petit. Dors, mon chéri. » Alors Paul Bar se rappela. C'était la mère Anita, Anita la folle. On lui avait conté l'étrange démence de la femme. Elle creusait partout de petites tombes sur lesquelles elle plantait des croix et disait des prières. Une folie inoffensive. Il ne tenait pas encore l'éventreur de Grimaud. Et ce fut, le lendemain, un nouveau drame. Au petit jour, des ouvriers allant à leur travail trouvèrent sous une porte cochère, à deux pas de sa maison, le cadavre de Madame Lérand, l'herboriste. Elle gisait, le ventre ouvert, comme les 14 autres victimes. On l'avait encore vue à minuit, chez des voisins, où elle avait passé la soirée. C'est après 7 heures, en rentrant chez elle, qu'elle avait été assassinée, éventrée. Madame Lérand, l'herboriste, passait pour serviable. Avant de tenir son commerce, elle avait été longtemps infirmière à l'hôpital de la ville au service de la maternité. Puis, l'âge de la retraite étant venu, elle avait acheté cette petite boutique d'herboristerie. Paul Bar voulut voir le cadavre, le 15e cadavre de cette série noire. Il l'observa longtemps avec le docteur Damien, le médecin légiste du département. Mais il ne fit part d'aucune observation qu'il aurait pu faire. Vraiment, je le croyais plus fort, disait le juge d'instruction dépité au procureur perplexe. Ce devait être bien autre chose quand, une autre nuit, des voyageurs arrivant par le dernier train d'1h30 découvrirent dans le fossé de la route qui se dénommait, dans le pays, avenue de la gare, le cadavre de Ragotin, comptable dans un magasin de la ville. Cadavre lui aussi éventré. Et le plus singulier dans cet autre crime, c'est que Ragotin était le gendre de Madame Lérand dont il avait épousé la fille. Devenu veuf, il avait conservé d'excellentes relations avec sa belle-mère, qu'il allait voir souvent et chez qui il dînait une fois par semaine. Il avait été tué, éventré, alors qu'il se rendait à la gare pour prendre le train de nuit. Son cadavre, lui aussi, fut examiné avec attention par Paul Bar aux côtés du docteur Damien. « Décidément, fit celui-ci, nous n'en finirons jamais avec cette lugubre histoire. »« Je crois que si, » dit seulement Paul Bar. « Puissiez-vous dire vrai, il en serait temps. » Paul Bar, appelé chez le juge, trouva celui-ci affolé. Toute la France est hantée par cette longue suite de crimes. Voyez les journaux, quel titre, l'éventreur de Grimaud. Il n'est question que de cela, et nous ne trouvons rien, nous ne savons rien, c'est insensé, c'est effroyable. Si, nous savons quelque chose. Quoi donc? Monsieur le juge, les deux derniers assassinats n'ont pas été commis par l'éventreur de Grimaud. Mais, Madame Lérand et Ragotin, son gendre, ont été éventrés cependant, pas par le même assassin. Alors ceci complique tout. Qui sait ? Paul Bar n'en dit pas davantage, mais il reprit ses promenades où il s'offrait comme un pâle éventreur. Au cours de ses randonnées, il rencontrait tous les gens du pays, parfois la mère Anita, la pauvre folle, d'autres fois le malheureux idiot qui lui souriait stupidement, le regard égaré. Un soir, il le trouva dans la grande rue. L'idiot le vit, esquissa son sourire et soudain, fixant un point de la personne de Paul Bar qui remettait son écharpe, changea de visage. Sa face s'était fait grimaçante. Une bave d'écume coulait de sa bouche tordue comme par un spasme. Il passa. Mais Paul Bar s'aperçut que l'idiot le suivait. L'inspecteur entra dans une petite rue transversale et déserte. Il se retourna brusquement. L'idiot était devant lui, le couteau ouvert à la main. L'arme basse, la lame présentant le coupant au-dessus. Il se jeta d'un bond sur l'inspecteur, dans l'attitude de l'éventreur dont l'arme, de bas en haut, va ouvrir un ventre. Paul Bar, prévenu, facilement para le coup, étendit le monstre à terre d'un coup de poing. Celui-ci déjà se relevait, hébété, sans se défendre, revenu à la réalité. Sans violence, Paul Bar l'empoigna et le conduisit à la gendarmerie. L'éventreur de Grimaud était arrêté.